Chapitre 9e, la fuite. Pendant que le guide errait au bord de la mer, que Maître Auguste cherchait la maison du pêcheur, et qu'Élim s'emparait si heureusement de la barque, disons un mot de ce qui se passait au moulin, où nous avons vu arriver les naufragés au commencement de cette histoire. Jane y était restée avec toute sa douleur. La pauvre enfant aimait pour la première fois comme pour la première fois on aime. Ce cœur jeune et pur avait reçu sa nouvelle forme de la puissante main de l'amour, et pour la lui faire perdre, il lui fallut le briser comme on brise un verre. En entrant dans la seconde chambre, celle-là même où son père avait failli être assassiné par les bandits, elle était tombée sur une chaise et y était restée immobile et muette, comme la statue de l'abattement, ne révélant son existence que par des larmes qui coulaient de ses yeux. Tout à coup, Kenzius entra, haletant, effaré, plus pâle qu'un mort. « Où est votre père, mademoiselle Jane ? » cria-t-il. « Où est votre père ? » « Là où je voudrais être, » répondit Jane sans faire attention à la voix émue de Kenzius, sans remarquer l'effroi qui se peignait sur son visage. « Au nom du grand livre, » s'écria celui-ci, « dites-moi, par quel chemin est parti votre père ? » ?»« Je ne sais pas. Il faut que je le sache, moi. Il est en danger. »« En danger, mon père ?» s'écria Jane, que les paroles de Kenzius venaient enfin de frapper au cœur. « Que dis-tu, Kenzius ? Mon père ? Pourquoi ?»« Ah, mademoiselle, mademoiselle, imaginez-vous que le bourgmestre von Campenar, von Driel... Et qu'ai-je à faire de ton bourgmestre, Kenzius ? N'entends-tu pas que je te demande comment mon père est en danger ? Montane nous a tous dénoncés au bourgmestre, mademoiselle. Tous qui, tous ? Eh bien vous, votre père, les Russes, monsieur Elim. Il dit que votre père était un traître, qui avait des relations avec les ennemis et qui avait promis aux Russes et aux Anglais de leur livrer la forteresse. Après ? Après ? Le bourgmestre a ordonné de prendre votre père, de le mettre en prison et de le juger. Mettre en prison mon père, le juger, le fusiller peut-être. Oh, notre malheur est bien complet. Hélas, dit Kenzius, en levant ses bras et son nez au ciel. Eh bien, que faites-vous là, monsieur ? S'écria Jane. Mais courez donc, mais volez donc à la recherche de mon père, prévenez-le pour qu'il parte, pour qu'il se réfugie à l'étranger, qu'il parte. A-t-il de l'argent ? Prenez ses diamants, ses perles. « J'ai pris chez le banquier tout ce qu'il faut, seulement je n'ai pas eu le temps de l'écrire sur le grand livre au débit de Maître Auguste. Mais s'il m'arrive malheur, vous l'écrirez, vous, mademoiselle. 10 000 ducats neufs. Mais allez donc, malheureux !» cria Jane en poussant Kenzius. « Que mon père parte, entendez-vous, qu'il parte, et qu'il ne s'inquiète pas de ma mère ni de moi. On ne fera rien à deux femmes. »« Dieu le veuille, mademoiselle !» dit Kenzius en grimpant sur le cheval de cabriolet et en disparaissant dans l'obscurité comme le fantôme d'un géant. Jane resta écrasée. Son amour pour son père lui avait fait momentanément oublier même Elim. Elle resta seule avec le meunier et sa femme, ou plutôt seule avec sa douleur. Une heure après, on frappait à la porte. « Ouvrez !» cria une voix rude. « Ouvrez au nom de l'empereur !» Rien ne répondit. « Cap de Dieu ! » dit la même voix. « On sait que vous êtes là. Ouvrez donc, ou nous nous conduirons vis-à-vis de vous comme envers des révoltés, et nous mettrons le feu à la maison. » « Mein God !» s'écria le meunier. « C'est la voix de ce même brigand qui a déjà voulu nous assassiner, Peter. »« Je t'entends, vieille sorcière !» s'écria Cabaret. « Ouvre, nous brisons les portes !»« Ah, mademoiselle, que faire ?» dit la meunière à Jane, qui, entendant ce bruit, paraissait sur le seuil de la cuisine. « Nous sommes perdus avec tout ce que nous avons. »« Ce que nous avons, » dit le meunier, « bon, le maître nous le rendra toujours au centuple. » Mais nous, mais mademoiselle, oh, je mourrais plutôt que de tomber entre les mains de ce bandit, s'écria Jane. Peter, défends la porte aussi longtemps que tu pourras. Moi, je me sauve et tâche de rejoindre les nôtres. Mademoiselle, mademoiselle, prenez garde au canot. Est-ce que je n'ai pas été élevé ici ? Est-ce que je ne connais pas le moindre ruisseau ? Et saisissant son coffre à bijoux, Jane sauta par une fenêtre basse qui communiquait avec le jardin, lequel communiquait lui-même avec la mer. Elle était déjà sur la plage lorsque les portes tombèrent sous les coups des bandits. Sans s'arrêter, sans savoir où elle allait, Jane courut le long du rivage. La crainte lui donnait des forces. L'espoir de rejoindre Elim attachait des ailes à ses pieds. Seulement, tout en courant, elle criait « Mon père, Elim !» Enfin, il lui sembla qu'elle apercevait quelque chose au bord de la mer, comme un bateau et des hommes qui s'y mouvaient. Mais sa voix s'éteignait dans sa poitrine haletante. Il lui sembla qu'elle était poursuivie. Et cependant, elle n'était plus qu'à quelques enjambées du bord. Malheureusement, le bateau s'éloignait. Un pas de plus lui était impossible. L'haleine lui manquait. Elle rassembla toutes ses forces pour crier une dernière fois « Mon père, Elim !» Il tomba évanoui sur la plage. Ceux qui la poursuivaient n'étaient plus qu'à 100 pas d'elle.